âme qui veille sur une maison. Il était bon de cœur et d'âme. Je lui dédie cette chanson. Il avait construit pierre à pierre, avec tant d'amour les tombeaux, que le soleil des cimetières les chauffait comme des berceaux. C'est une histoire. Sur les chemins de ses retours, le revoici avec sa veste et son pantalon de velours. C'est une histoire toute simple. Je l'aimais. Que le ciel te soit secourable, papa bon Dieu, papa amour. Dans ma main il coule du sable, mais qu'il est lourd, mais qu'il est lourd. Je l'aimais que je...